vin pati sol pa di manyen. Mèm rete ma pasyonè, mwen vin gen chagrin. Lèl vin retounen, pete mchiri, ak espoa fè pa mouri. Na patan pou rekonsilye, san reta pou nou marye. Na patan pou rekonsilye, san reta pou nou marye. Bébé, que moi remè li vin pati, sol pa di manye. De me rete ma passionné, me rien chagrin. Me vin retourne, me dim chéri, par espoir à faire pas mourir. N'a pas tant pour me réconcilier, sans retard pour nous marier. N'a pas tant pour me réconcilier, sans retard pour nous marier. Ça réglé, bas sorti pour bêtiser. C'est quand même un pour nous marier. Tita, mais nous fin marier. Poulet à ces belles bagailles, Tita. N'a sorti l'église. Poulet à ces belles bagailles, Tita. Toute famille content. Poulet à ces belles bagailles. Depuis tout temps, t'es v'lais maguer. C'est vraiment qui t'a.